Le paradis de Madame Marneffe et de Wenceslas ne ressemblait guère à la petite maison Crevel que Crevel avait vendue au comte Maxime de Trailles, car dans son opinion elle devenait inutile. Ce paradis, le paradis de bien du monde, consistait en une chambre située au quatrième étage et donnant sur l'escalier, dans une maison sise au pâté des Italiens. À chaque étage, il se trouvait dans cette maison, sur chaque palier, une chambre autrefois disposée pour servir de cuisine à chaque appartement. Mais la maison étant devenue une espèce d'auberge louée aux amours clandestins à des prix exorbitants, la principale locataire, la vraie Madame Nourrisson, marchande à la toilette rue Neuve-Saint-Marc, avait jugé sainement de la valeur immense de ses cuisines en en faisant des espèces de salles à manger. Chacune de ces pièces, flanquée de deux gros murs mitoyens, éclairés sur la rue, se trouvaient totalement isolés, au moyen de portes battantes très épaisses qui faisaient une double fermeture sur le palier. On pouvait donc causer de secrets importants en dînant sans courir le risque d'être entendu. Pour plus de sûreté, les fenêtres étaient pourvues de persiennes au dehors et de volets en dedans. Ces chambres, à cause de leur particularité, coûtaient 300 francs par mois. Cette maison, grosse de paradis et de mystère, était louée 24 000 francs à Madame Nourrisson première, qui en gagnait 20 000, bon an mal an, sa gérante, Madame Nourrisson deuxième, payée, car elle n'administrait point par elle-même.